Vous savez Dreyfus? Oui, Dreyfus, Dreyfus le traître, qui a été condamné pour trahison, qui est à l'île du diable. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Bon, eh ben, il est innocent. Oh, c'est pas possible. Je ne suis pas trompé comme ça quand même. L'affaire Dreyfus, premier épisode. Et déjà, on dénonce les premiers coupables. Esterhazy, Mercier, Henri. Faites entrer le comte Esterhazy. Je suis un officier français d'état-major, en service actif. La nécessité m'oblige à une démarche. Méprisable, j'en conviens. Mais je me dois de préserver ma famille de la ruine. J'ai travaillé au renseignement. J'ai des amitiés politiques. Ça devrait vous intéresser, colonel. Et que savez-vous de l'artillerie française? Où en sont les études du nouveau canon de 75? Ah, colonel, il me faut 2000 francs par mois. Bon. Nous ne payons qu'à la pièce, selon la valeur du renseignement. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. Nous sommes à l'ambassade d'Allemagne, épisode reconstitué. À l'ambassade d'Allemagne, Maria Bastian, femme de ménage, explore quotidiennement les corbeilles à papier de ses employeurs et livre leur contenu au service de renseignement français nommé par discrétion la section des statistiques. À la section des statistiques, le colonel Sander et son adjoint, le commandant Henri, reçoivent donc les papiers déchirés, froissés, venus de l'ambassade par cornet entier. Ça s'appelle la voie ordinaire. Un jour funeste de septembre de 1894, un bordereau parvient par cette voie ordinaire aux officiers français du renseignement. Il est manuscrit, non signé, bien sûr, et accompagne l'envoi de 5 notes et documents, lesquels ne figurent pas, évidemment, dans le butin prélevé par Madame Bastian. Ces documents annoncés et manquants concernent particulièrement l'artillerie. Ils ne sont pas nécessairement de première importance, mais ils témoignent de la présence dans les premiers cercles de l'armée d'un informateur français qui trahit les intérêts de son pays. Le coupable, c'est le commandant Esterhazy. Il faudra beaucoup de temps pour l'établir devant l'opinion et plus encore devant la justice. Il en avait fallu moins pour affirmer la culpabilité du capitaine Dreyfus et autant pour fabriquer les dossiers et documents secrets censés l'étayer et qui, en principe, devaient être exacts. Il est vrai que Esterhazy appartenait, au moins d'apparence, à une grande famille d'Europe, et que Dreyfus était réellement juif. Alors c'est Philippe Auriol qui nous accompagne aujourd'hui dans le premier épisode de cette série. Alors Philippe Auriol, je parlais de comédie humaine. Vous avez écrit sans cesse sur l'affaire Dreyfus, récemment aux Belles Lettres, un énorme ensemble, peut-être bientôt un dictionnaire biographique, géographique, ouvert, comédie humaine. C'est ça qui vous intéresse dans l'affaire Dreyfus? Oui, tout à fait. Puis c'est plus que ça. Enfin, c'est une histoire absolument incroyable, avec des rebondissements, avec des morts, avec des histoires de fesses. C'est un sujet incroyable et qui, à côté de ça, parallèlement, parce que l'anecdote est intéressante, mais l'anecdote n'est que l'anecdote, qui pose des questions qui sont absolument fondamentales et dont l'actualité résonne et continuera de résonner tant que l'actualité sera l'actualité. La bibliographie est phénoménale. Elle a rebondit grâce aux occasions que présentait le centenaire. Oui. Le centenaire de chacune des années des trois affaires Dreyfus successives. Ouais. Bah, déjà, ce qui est incroyable, c'est que c'est un des premiers moments d'histoire en direct, puisque la première histoire de l'affaire Dreyfus, en fait, il y en a même eu une avant Reynac, paraît pendant l'affaire. Il y a 13 volumes par le capitaine Paul Marin, personne ne la connaît, celle-là, et puis après, il y a le Reynac qui est aussi pendant l'affaire Dreyfus. Donc déjà, on a une histoire qui se constitue, où on commence déjà à faire une synthèse de l'événement pendant l'événement. Puis après, il va y avoir quelques publications, et le centenaire de 94, de 1994 va effectivement donner un coup de fouet aux études dreyfusiennes, à la dreyfusologie, et là on va voir paraître beaucoup de volumes, et depuis effectivement, comme on ne sort pas des centenaires, il y a des occasions éditoriales possibles qui font que les publications se succèdent. J'ai prononcé les noms d'Esterhazy, Mercier, Henri, vous ajouteriez volontiers le nom de tel ou tel coupable, vous en aurez l'occasion tout à l'heure. Châtelain, Bonnet, Boutonnat, Guillot, Boileau, Boyau. Alors ça, ce sont des espions. Oui. Qui ont précédé l'affaire Dreyfus. Voilà, sont des traîtres, quelques années avant parfois, mais qui n'ont apparemment pas intéressé la presse et qui ont été condamnés assez rapidement et oubliés assez rapidement. Il y a même une histoire intéressante, après l'affaire Dreyfus, on a découvert un autre qui lui devenait passionnant parce qu'il s'appelle Schwartz. Donc on s'est dit, il doit être juif, il y a eu toute une campagne, et quand on s'est aperçu, après publication de son bulletin de baptême, qu'il était catholique, l'affaire n'intéressait plus la presse. Mais il y a 300 officiers juifs dans l'armée française à cette époque, dites-vous. Oui, oui, il y en a effectivement très très peu. Ouais. Bah oui, mais pourquoi Dreyfus ? Alors, parce que Dreyfus, non pas qu'il soit visible, mais enfin, il témoigne d'une possibilité nouvelle d'arriver dans les premiers cercles de l'armée française. Ouais. Des possibilités nouvelles qu'il a eu le tort d'utiliser. Oui, il le dira d'ailleurs qu'il regrette d'avoir fait l'école de guerre, parce que s'il n'avait pas fait l'école de guerre, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes. C'est vraiment la figure de ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on considère aujourd'hui comme l'officier moderniste, c'est-à-dire l'officier qui arrive dans la carrière militaire, non pas par le champ de bataille, mais par les études, et qui est amené à être très probablement, effectivement, un des officiers généraux importants. Enfin, la carrière de Dreyfus aurait dû finir comme général de division, très probablement. Et voilà, donc il fait partie de cette nouvelle génération, donc c'est ça, ça gêne, mais c'est pas ça le vrai problème, en fait. Il va bien falloir qu'on cite plus d'une fois pendant cette semaine le film de Polanski. La scène qui est reproduite sur l'affiche se déroule dans les couloirs du ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, entre deux officiers de rang différent qui fréquentent l'école de guerre. Nous ne sommes pas encore au début de l'affaire, nous sommes avant. Le supérieur, c'est Picard, et le jeune capitaine Dreyfus, juif, et inquiet de l'image qu'on a de lui, ose aborder Picard en lui disant que sa notation n'est peut-être pas juste. Mon commandant ! Mon capitaine ? Mon commandant, ai-je fait quelque chose qui vous a offensé ? Non. Mais vous êtes le seul de mes professeurs à m'avoir mis une mauvaise note. Peut-être que je ne partage pas la haute opinion que vous avez de vos compétences. Ce n'est donc pas parce que je suis juif. Je prends grand soin de ne jamais laisser mes sentiments personnels affecter mon jugement. S'il vous faut en prendre grand soin, c'est que c'est une hypothèse envisageable. Si vous me demandez, mon capitaine, si j'aime les juifs, je suppose qu'en toute franchise, la réponse serait non. Mais si vous suggérez qu'à cause de cela, je pourrais avoir envers vous une attitude discriminatoire sur un plan professionnel, je peux vous assurer que non. Jamais. Allez, petit morceau de bravoure, Philippe Auriol. L'historien va dire que la scène est reconstituée. Non, elle n'est pas reconstituée, elle est inventée, en fait. Ah. voilà. Et moi, elle me pose un vrai problème, cette scène, et je vais essayer de le faire très très rapidement, parce que c'est un peu long, en fait. Elle me pose un vrai problème, parce qu'elle présente un Dreyfus qui est rigoureusement insupportable. Enfin, l'étudiant qui vient voir le prof pour contester sa note, et qui, en plus, soupçonne son prof de lui avoir mis cette note-là sur... voilà. Non, ça, c'est absolument impossible. Il y a une scène qui ressemble à ça dans la vraie histoire, mais elle a plus du tout la même valeur. Et là, elle pose un problème aussi dans le film, parce que c'est la scène qui va permettre de régler l'antisémitisme de Picard. C'est-à-dire que Picard est antisémite, oui, mais il ne commettrait jamais une injustice au nom de l'antisémitisme. Et voilà, il a refait son âme et l'affaire est réglée. Et après, de l'antisémitisme, dans le film, il n'en sera jamais plus question. Mais le film, il est inspiré d'un roman. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. C'est dit ouvertement. Oui, oui, tout à fait. Mais après, quand le roman dit qu'il dit la vérité, et quand le premier écran du film de Polanski, c'est un écran qui nous dit que tous les personnages et tous les faits sont réels, là, ça pose problème. Sinon, il est tout à fait normal, effectivement. Enfin, le cinéma et la littérature ont des raisons que l'histoire ne connaît pas. C'est une certitude. Mais ce jeune Dreyfus est peut-être le plus vieux. Il était déplaisant. C'est un poncif hein, qu'on lit dans tous les livres oui, sur l'affaire Dreyfus. Mais non, et là, avec Vincent Duclerc, on se bat pas mal pour essayer de changer cette image. Non, c'est quelqu'un de tout à fait passionnant. Maintenant, effectivement, c'est un introverti, c'est quelqu'un de complètement inhibé. Il est froid, il a une mauvaise voix, il est modeste, il est timide. Et voilà, donc il est mal à l'aise dans le rapport avec l'autre. Voilà. Et sinon, la scène dont on parle est différente, parce que la scène dont on parle, c'est qu'il avait eu une mauvaise note, qui était une note à la gueule, comme on dirait aujourd'hui, qui existait, qui était officielle, qui était une note note qui était la note de capacité en fait à travailler à l'état-major. Et c'était important parce qu'il y avait une réforme qui était passée il y a quelques années avant et les 10 premiers de l'école de guerre pouvaient intégrer l'état-major. Et donc lui a eu 5 et un autre qui s'appelle Picard aussi, mais P-I-C-A-R-D, qui est un nom juif alsacien assez fréquent. Et l'idée c'était qu'avec cette note on les fasse reculer. Seulement le problème c'est que, mauvais calcul pour Dreyfus, il était 5e et il passe 9e, donc il rentre à l'état-major. Et le général l'avait dit, pas de juifs à l'état-major. Et donc Dreyfus va protester auprès du général, mais il va pas protester. En fait, il lui dit juste, est-ce que vous pensez qu'un juif n'est pas apte à remplir son service comme les autres ? Et ça s'arrête là, c'est pas la même chose. Cette note s'appelait, c'est très joli, la cote d'amour. La cote d'amour. Et donc peu après là. Cette scène inventée, nous avons bien compris, le bordereau arrive sur le bureau du colonel Sander, chef de la section de statistiques, autrement dit le bureau de renseignement, et sur le bureau de son adjoint, le commandant Henri. C'est souvent d'ailleurs l'adjoint qui reçoit les documents avant le chef, ça fonctionne comme ça, le service, la section de statistiques. Et une enquête va être menée, Dreyfus mis au secret, et puis, très rapidement, l'enquête se précipite parce qu'il y a la crainte que la presse s'en empare. Et en effet, des informateurs, on ne sait pas très bien qui, vont donner des nouvelles de cette affaire d'espionnage qui met en cause un juif à des journaux, notamment La Libre Parole, journal antisémite d'Edouard Drumont. Et c'est ça qui fait précipiter le mouvement. Le ministre de la Guerre, le général Mercier, a intérêt à ne pas être pris dans un piège. Bah oui, c'est même plus que ça en fait, c'est qu'il n'y a pas d'enquête à proprement parler, c'est-à-dire que à cette époque-là, Mercier qui est le ministre de la Guerre, on dirait le ministre de la Défense aujourd'hui, est sur un siège éjectable, et il faut que quand cette catastrophe arrive, surtout qu'il a des vraies ambitions, il voudrait devenir président de la République, il faut absolument qu'il arrive à faire quelque chose, et le premier qu'on va lui désigner comme étant le possible coupable sera le coupable parce que c'est pratique comme ça, et il va être désigné par un premier personnage qui est un antisémite, qui va en parler à son chef, qui est un antisémite, qui va en parler à son chef, qui est un antisémite, et puis l'affaire est partie de cette manière-là. Et c'est vrai qu'après, il y a la peur. Ça me fait trop de coupable, ça, Philippe Auriol. Ouais. Mercier, coupable principal? Alors, sur la première affaire Dreyfus, c'est-à-dire celle jusqu'à la condamnation de Dreyfus, oui, bien évidemment. Et la création de ce fameux dossier secret qui sera... Attends, le fameux dossier secret, il est l'œuvre d'Henri, le numéro 2 du service? Bah, il est à la demande de Mercier, il est constitué par Henri Sander, fait ce qu'on lui demande. Et Cordier. Henri, c'est un lampiste, voilà. Et par exemple, sur la fameuse histoire de son faux que tout le monde connaît parce qu'on en a entendu parler, c'est lui qui le fait, mais il le fait avec le consentement, l'assentiment, le tout ce que vous voulez de tous les autres. Oui, parce que le dossier secret, il va voir s'accumuler peu à peu des pièces supplémentaires qui sont censées étayer l'accusation, et parmi elles, le faux Henri, c'est-à-dire une lettre fabriquée, une correspondance entre l'attaché militaire allemand, celui dans la poubelle duquel on trouve le bordereau, et l'attaché militaire italien. C'est ça, voilà. Et une lettre qui est fabriquée à partir de deux autres lettres. Voilà. Et le dossier secret, la condamnation de Dreyfus, c'est 4 papiers. En 1899, c'est près d'un millier. Ouais. Alors, on en est à la première affaire Dreyfus, qui se clôt par le Conseil de guerre, par la condamnation de Dreyfus, la dégradation de Dreyfus, et l'envoi à l'île du Diable dans des conditions qui, à partir de 1896, après avoir été relativement libérales, deviennent infernales. Ouais. Enfin, libéral, oui et non, parce que déjà, normalement, ce que dit la loi, et on a fait voter une loi particulière pour Dreyfus, c'est que, par exemple, les épouses peuvent rejoindre les déportés, c'est le mot. Et là, on ne le voudra jamais pour Dreyfus. On a fait une loi particulière pour qu'il puisse être sur son petit îlot qui s'appelle l'île du Diable et qu'il n'ait contact avec personne. Normalement, un déporté était libre de son mouvement, libre de ses mouvements, en fait, sur le lieu de déportation. Et après, effectivement, ça va se renforcer avec une construction de palissade qui lui empêche de voir la mer au cas où il puisse s'évader mentalement. Et puis surtout la mise à la double boucle, c'est-à-dire un véritable objet de torture qui, la nuit, lui l'empêche de bouger et surtout lui scie les chevilles. Le chef d'état-major, le général de Boisdeff, peut être encore un coupable, encore qu'on en discute à l'infini, prévient Picard qui va devenir chef de la section de statistiques du bureau de renseignement, une fois Sander alité, malade et mourant. Continuez à enquêter parce que vous verrez, cette affaire, elle n'est pas finie, elle va rebondir. Alors, Picard, il enquête. Et il enquête. Fait bien les papiers qui d'habitude passent par le truchement de son adjoint c'est Henri. Ça. Alors, il enquête et en fait, il ne trouve rien On lui a demandé de nourrir le dossier Dreyfus, c'est ce que lui demande Boisdeffre. Et il ne trouve rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Il fait des enquêtes dans tous les sens. Et entre autres, une enquête qui est d'analyser très régulièrement la correspondance échangée entre Dreyfus et sa femme. Et d'ailleurs, il va y avoir encore là un renforcement dans la captivité et dans les conditions, en tout cas, de détention de Dreyfus, qui est que certaines lettres n'arriveront pas, elles arriveront en recopie par une autre main et tout. Et c'est Picard qui est à l'origine de ça. C'est quand même très intéressant. Parce qu'il est persuadé que les Dreyfus utilisent une sorte de code de correspondance visant à préparer une évasion. Et il ne trouve rien. Mais par la voie ordinaire, un jour, arrive... La voie ordinaire, hein, c'est la corbeille à papier de l'attaché militaire, c'est Madame Bastian, la femme de ménage. Arrive un petit bleu. Il faut d'ailleurs rappeler ce qu'est le petit bleu. C'est difficile à imaginer. Il y avait autrefois, ça fait plus très longtemps d'ailleurs, ça fait très peu de temps que ça a été supprimé. Il y avait un système de correspondance absolument incroyable qui permettait de s'écrire jusqu'à 4 fois par jour en passant par un réseau de tubes pneumatiques qui se trouvaient dans les égouts et qui permettait de correspondre très très vite. Voilà. Mais alors là, c'est un petit bleu adressé depuis l'ambassade d'Allemagne à un commandant, Esterhazy, rue de la Bienfaisance, dans un beau quartier. C'est un petit bleu en fait qui n'a pas été envoyé finalement. C'est un petit bleu qui a été écrit et déchiré, très probablement parce que c'était une très mauvaise idée de l'écrire. Mais Madame Bastian, elle, la voix ordinaire, récupère le fameux petit bleu, et le petit bleu est embêtant puisque il prouve effectivement qu'il y a un traître, un autre sans doute, et que son nom est dessus là, puisque le petit bleu sur son verso est adressé Monsieur le commandant Esterhazy. Qu'est-ce que c'est que ce commandant Esterhazy? Le commandant Esterhazy, c'est une crapule, en fait. C'est quelqu'un qui est en procès avec à peu près la terre entière parce qu'il a un train de vie absolument délirant et que sa solde n'y suffit pas. Donc en fait, il trouve le moyen de trouver de l'argent. Et donc il a à peu près dépouillé toute sa famille, il a dépouillé à peu près tous ses amis, il fait des prêts un peu partout qu'il n'honore jamais... Voilà, et c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, et voilà, on a un mobile en tout cas. Oui, donc sa culpabilité est possible. Et le colonel Picard, lieutenant-colonel maintenant, le plus jeune de l'armée française, va tenter de prévenir qui de droit, ses supérieurs, son ministre. Portrait de cet homme d'honneur, mais un peu écorné par Henriette Psicari, qui appartient à une grande famille dreyfusarde et qui a témoigné un demi-siècle plus tard avec brio et aussi la dent dure. Le colonel Picard, on était amoureux de lui. On ne pouvait pas faire autrement. Il était charmant d'abord, il avait l'air de sortir comme ça d'une grande image épinale avec des yeux bleus. Il ne parlait que musique, poésie, littérature. Il était doux, il était charmant. Et on ne pouvait pas faire autrement que de l'aimer. Je crois que nous nous faisions du colonel Picard une toute autre idée de ce qu'il a été. En réalité, Picard était un nationaliste absolument braqué sur la force militaire, ne pensant qu'à ça, ne voyant que ça. Et il est vrai qu'il a vu aussi l'injustice de la condamnation de Dreyfus. Mais enfin, il était tout de même pas... nous aussi, nous la voyions, l'injustice. Mais il la voyait, lui, au point de vue militaire. Et alors, ce qui nous irritait le plus chez Picard, c'est qu'il était antisémite. Remarquez, vous pouvez y trouver même une certaine noblesse. Parce que c'est assez noble, évidemment, d'aller contre ses idées pour défendre quelqu'un. Mais enfin, quand même... Les spectatrices et les spectateurs du film de Polanski qui sort mercredi aimeraient aimer Picard, qui est le héros d'ailleurs de ce film. Mais c'est quand même un lanceur d'alerte. Allez, faisons dans l'anachronisme. Je sais pas si c'est Zola est un lanceur d'alerte à partir du moment effectivement où il a crié j'accuse et même les articles avant et qu'il prend énormément de risques. Zola n'est pas encore dans la. Bernard Lazare, le premier à avoir parlé de Dreyfus, est un lanceur d'alerte qui publie une brochure et qui se retrouve sans emploi jusqu'à la fin de sa vie et qu'on mourra d'ailleurs. Un petit oublié qui s'appelle le commandant Forzinetti, qui est celui qui garde Dreyfus dans sa prison, est un lanceur d'alerte qui est persuadé dès le début que Dreyfus est innocent et qui effectivement va publier des choses pour le faire savoir. Picard, lui, va découvrir, d'ailleurs pendant un moment, il croit que Dreyfus et Esterhazy sont complices. Et il va s'apercevoir qu'effectivement, Esterhazy est réellement le seul coupable et que Dreyfus est innocent. Et là, il en parle à ses chefs pour qu'on règle le problème. C'est clair. Il va voir ses chefs et il leur dit, il faut le faire, pas pour réparer une erreur, mais juste parce qu'il fait surveiller ces gens-là, comme il dit, c'est-à-dire la société juive, comme il dit encore, et il s'est aperçu qu'elle faisait la même enquête. Il a peur que la société juive puisse découvrir ce qu'il a découvert. Si elle, elle découvre, et qu'elle donne l'information, l'armée va sortir complètement anéantie. Et donc ce qu'il faut, c'est devancer ce qui risque de se passer. C'est tout. Mais il aimerait être aimé de ses chefs. Oui, et puis à côté de ça, il est plutôt aimé de ses chefs, hein, ça va plutôt bien pour lui, c'est pour ça qu'on lui a proposé de prendre la section de statistiques et tout, et c'est quelqu'un qui se voit très bien plus tard, et c'est une certitude, d'ailleurs, il l'a été d'ailleurs. Bon, ministre de la guerre. Ministre de la guerre, il est sur cette voie royale. Quand il harcèle ses chefs en leur disant, voyez, il y a quand même un autre espion que celui que vous imaginez, que vous avez peut-être fabriqué, il les gêne. Et peu à peu, pour ses chefs, l'affaire Esterhazy va devenir une affaire Picard. C'est Picard qu'il faut tenir à l'écart. Ouais, c'est vrai, mais déjà, il les harcèle pas, il le dit lui-même, hein, dans toutes les dépositions qu'il a faites, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'autre chose, et qu'à partir du moment où on ne l'écoute pas, il ne parle plus, il continue son enquête, mais à côté de ça, il n'en parle presque plus. Et c'est vrai qu'à un moment, ses chefs vont se débarrasser de lui. Pourquoi ? Parce que ses chefs auraient très bien pu l'écouter, c'était pas grand-chose en fait, mais ils ne peuvent pas le faire. Et ils ne peuvent pas le faire, pourquoi ? Parce qu'ils sont tous compromis dans le procès de 1894. Donc si on révèle l'erreur judiciaire, les chefs vont les uns après les autres tomber. Le chef d'état-major, le sous-chef d'état-major, toute la section de statistiques, etc. Et là, Picard va se retrouver en Tunisie, et si c'est un lanceur d'alerte, envoyé en pseudo-mission, éloigné. Et là, si c'est un lanceur d'alerte, il doit faire quelque chose, mais il ne fait rien. Et s'il va parler un moment à son ami Le Blois, comme on le voit dans le film, c'est pas du tout pour sauver Dreyfus, c'est juste parce que lui a peur pour lui-même et qu'en fait, il a besoin d'avoir un moyen de défense. Je renvoie à votre livre, Le faux ami du capitaine Dreyfus, le titre est fort, c'est chez Grasset. Il retient un peu l'information, c'est vrai, parce qu'il y a des séparations entre ceux qui demandent une révision du procès ou qui demandent un procès pour Esterhazy, parmi ces derniers, Scherer Kestner, un des premiers Dreyfusards, vice-président du Sénat, grande figure honorable. Lanceur d'alerte, lui aussi. Lanceur d'alerte, mais qui ne bénéficie pas nécessairement des informations que retient Picard. À cet instant, on va mettre une musique, alors. On pourrait mettre Gounod, parce que Picard était mélomane, poète, grand lecteur, il aimait bien Gounod. On pourrait mettre la musique à la cour des princes Esterhazy, mais Esterhazy, c'était pas vraiment un Esterhazy. Hein. Non, on va mettre Froufrou. C'est assez le genre du commandant Esterhazy, parce qu'il avait une maîtresse, Madame Pays. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave, et je me dis en la voyant, Froufrou, Froufrou, par son jupon la femme. Par son gentil foufou, La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Nous sommes en 1897, c'est la date de création de cette chanson, mais la version qu'on a entendue date des années 1930. Elle est de Johnny Hess et nous sommes en compagnie de Philippe Auriol, toujours éminent spécialiste de l'affaire Dreyfus, 1897. C'est la fin de la seconde affaire Dreyfus. Esterhazy est mise en cause, son nom est prononcé, il se défend, il est très lié à la libre parole d'Edouard Drummond, le journal antisémite, à d'autres titres de presse et le conseil de guerre qui lui est consacré voit se dérouler quasiment un tapis rouge sous ses pieds. Oui, tout à fait, puisque le Dreyfus a été condamné et Innocente Esterházy s'est fermé à tout jamais l'affaire Dreyfus, puisque en droit, quelqu'un qui a été acquitté pour un crime qu'il a commis ne peut pas être rejugé. Donc effectivement, c'est la fin de l'affaire Dreyfus. Et c'est pour ça que l'idée... Il est acquitté. Il est acquitté, oui, bien sûr. Mais attendez, avant que vous ne parliez du nouvel intervenant qui va faire rebondir l'affaire et provoquer la troisième affaire Dreyfus, bah, le colonel Picard, il est en situation extrêmement délicate après l'acquittement d'Esterházy. Alors, oui, déjà, il aurait peut-être pu aider à la condamnation, même si on sait très bien qu'elle n'aurait jamais été obtenue, s'il avait parlé lors des procès. Et il n'a pas parlé, parce qu'il a continué à se montrer bon soldat, et pour une vraie raison, que la promesse lui avait été faite que si jamais il se tenait bien, c'était un marché de dupes, il pourrait retrouver le rang qui était le sien dans l'armée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à la retraite, c'est-à-dire qu'on va le sortir de l'armée, et là, c'est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire, stratégiquement, c'est une catastrophe. Le lieutenant-colonel Picard devient Monsieur Picard, et Monsieur Picard est libre de sa parole. Donc il peut franchir le Rubicon, maintenant. Il franchit le Rubicon, et il franchit surtout le Rubicon, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, qu'on ne connaissait pas, c'est qu'on s'en prend à sa maîtresse, Pauline Monnier, qui malheureusement dans le film a un rôle de figurante, c'est Emmanuel Seigné, parce qu'il n'y a pas grand-chose à lui faire faire, alors que c'est un personnage fondamental. À chaque fois que Picard prend une décision, c'est parce qu'il se passe quelque chose à propos de Pauline Monnier. Et le fait qu'on s'en prenne à Pauline Monnier fait que là, effectivement, il passe à l'action et qu'il va devenir un héros à ce moment-là, c'est sûr. Mais il aura mis 2 ans et demi. Écoutez, il a un comportement vis-à-vis de sa maîtresse plus chevaleresque qu'Esterházy à l'égard de la sienne qui s'appelait Madame Pays. Le personnage qui intervient à ce moment, parce qu'il faut chercher un moyen de faire rebondir l'affaire, c'est Émile Zola, J'accuse, 1898, dans L'Aurore, piloté par son ami Georges Clémenceau. À cette époque-là, la quasi-totalité de la presse est anti-Dreyfusard, sauf quelques exceptions. Pour figurer le climat de 1898, ça va être l'année la plus antisémite de France, peut-être, cet extrait de Jean Barrois, le livre de Roger Martin Dugard, Le Semeur, ça ressemble à l'aurore, et Barrois qui le dirige peut-être à Clémenceau. Entre les façades d'ombre coule une masse noire qui bourdonne. Il s'apprête à descendre par curiosité. Le brouhaha se rapproche des chants, quelques cris. Dreyfus! Le groupe isolé qui dirige la colonne n'est plus qu'à 50 mètres de la maison. Barrois aperçoit des visages et des bras levés vers lui. Conspuez le semeur! Conspuez Barrois! Conspuez! Il recule précipitamment. Barrois, les volets, vite. Il aide le garçon, affolé. Au moment où il va barricader la dernière croisée, une canne lancée dans les carreaux le couvre de débris de verre. La foule est sous les fenêtres, à 4 ou 5 mètres de lui. Il distingue le timbre différent des voix. Le semeur, vendu, traître, à mort. Oh, je vais t'avoir maintenant, faire quoi ? J'aurai satisfaction. Tu vas la trouver chez tes putes. Lâche. Traître. Sale juif. Et c'est dans ce climat que se déroulera un grand débat à l'Assemblée nationale que nous avions reconstitué avec les comédiens français que nous rediffuserons demain. Merci à vous, Philippe Auriol, chez Grasset, merci. Le faux ami du capitaine Dreyfus, et puis la correspondance d'une grande Dreyfusarde. La marquise Arconette Visconti avec Dreyfus. Très beau personnage. Et puis votre histoire de l'affaire Dreyfus en 2 forts volumes aux éditions Les Belles Lettres.